L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. À Nancy, la grande épicerie générale propose une alternative à la grande distribution. Un supermarché participatif où les consommateurs deviennent acteurs et bénéficient davantage. Le samedi 24 mai aura lieu une journée portes ouvertes avec visites, concerts et rencontres, mais aussi la possibilité de tester le magasin, comme nous l'explique Marion Jacquet, coopératrice. C'est une journée de portes ouvertes, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas coopératrices, coopérateurs, peuvent quand même faire leurs courses dans le magasin, ce qui leur permet de découvrir le magasin de l'intérieur, d'acheter des produits, de les tester, voir si ça leur convient. On leur explique aussi le fonctionnement du magasin, donc la participation de 3 heures toutes les 4 semaines. Oui, car le principe de la grande épicerie générale est simple, participer au fonctionnement du magasin en échange de prix bas. Notre modèle repose sur le nombre de coopérateurs, puisque en fait, seuls les coopérateurs ont le droit de faire leurs courses dans le magasin. C'est un supermarché coopératif et participatif. La force, c'est le collectif. Et c'est ce que nous explique le président Éric Graal. 3 heures par mois, les coopérateurs tiennent la caisse, commandent des produits ou mettent en rayon dans une organisation où chacun a sa voix pour proposer des nouveautés ou donner son avis. En contrepartie, des prix réduits avec une marge réduite, Steven Royer, salarié de la grande épicerie générale. La seule promesse que l'on fait, c'est d'avoir une marge unique sur tout le magasin à 25%. Contrairement à la grande distribution classique, où c'est les distributeurs, enfin c'est les grandes enseignes qui vont décider de quelle marge ils appliquent sur les différents produits. Nous, c'est pas notre cas. Nous, on sait que quand on vient ici, il suffit de retirer le 25% qui revient au magasin pour connaître le prix d'achat en fait du produit. Ici, donc, pas de prix qui se termine par 99 centimes, mais des produits pour la plupart locaux, issus de l'agriculture biologique ou en vrac, quelques produits classiques achetés à des grossistes également pour couvrir tous les prix. Reprendre la main sur la manière de consommer et de dépenser, c'est l'un des principes qui attire et c'est ce que nous explique Steven Royer. En fait, il y a plein de gens qui viennent ici parce qu'ils retrouvent une manière de décider sur qu'est-ce qu'on va consommer, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre magasin. Alors, je pense qu'il y a aussi un intérêt en fait pour ces personnes-là de comprendre tout ça et de reprendre le pouvoir sur notre consommation et sur la manière dont elle est distribuée. 300 coopérateurs actifs font ainsi vivre la grande épicerie générale et parmi eux, Christelle, depuis son ouverture en 2016. J'avais envie de faire ensemble, de plus avoir plein d'endroits où faire mes courses de produits bio et locaux. Ça, c'était en premier lieu. Et puis voilà, de créer un supermarché, c'est magique. J'ai un seul endroit où aller faire mes courses, qui est un petit magasin qui ne m'arnaque pas et où je trouve des bons produits simples sans avoir à courir partout. Et le choix fait que je ne suis pas perdue devant des rayons qui n'en finissent pas. Et puis, sur certains produits, on est quand même vachement moins cher. Tout ce qui est fruits et légumes, mais également tout ce qui est vrac, on est vraiment moins cher. Moi, j'y trouve vraiment mon compte. On a plus de 3000 produits en rayon. Hein. J'ai largement de faire mes courses. Plusieurs épiceries similaires existent en France, à Bordeaux, Paris, Lille ou Montpellier. L'idée, elle, vient de l'autre côté de l'Atlantique, de New York. Mais l'objectif est le même. C'est plus qu'aider, c'est-à-dire que comme ça nous appartient, c'est on travaille pour nous. Non, c'est même pas du travail en fait. Moi, je participe à faire fonctionner mon commerce. Là où je fais mes courses, 3 heures toutes les 4 semaines minimum. Après, on est nombreux à faire beaucoup plus parce qu'on adore être ici, quoi. C'est sympa. Le samedi 24 mai, c'est à la grande épicerie générale de Nancy que vous pourrez découvrir le supermarché participatif. L'événement Ramène ta fraise, c'est de 10 à 19h. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.